pour elle j'ai déchiré, brûlé les pages de mon passé. J'ai ouvert grand les bras, comme quand on aime la première fois. Prise au piège de l'amour, je pensais que ça durerait toujours, toujours. J'ai peint le ciel en bleu, pour qu'elle sourie même quand il pleut. J'ai gravé sur les murs de ma vie son nom en peinture. J'ai écrit des poèmes pour qu'elle comprenne que je l'aime, que je l'aime. Je ne parlerai plus d'elle, la nuit l'a emportée vers des lits infidèles, mon rêve s'est brisé. Je ne parlerai plus d'elle, je ne pourrai plus l'aimer, elle était pourtant belle, je ne la ferai plus danser. J'ai construit des murailles pour que jamais, jamais elle s'en aille. J'ai empêché le vent de souffler sur nos sentiments. J'ai arrêté le temps qui courait sur nous et pourtant, pourtant. Je ne parlerai plus d'elle, la nuit là. C'est brisé, je ne parlerai plus d'elle, je ne pourrai plus l'aimer, elle était pourtant belle, je ne la ferai plus danser, je ne parlerai plus d'elle. Je ne parlerai plus d'elle, la nuit l'a emportée vers des lits infidèles, mon rêve s'est brisé. Je ne parlerai plus d'elle, je ne pourrai plus l'aimer, elle était pourtant belle, je ne la ferai plus danser. Je ne parlerai